Chapitre 2e, Les Trois Reines, 773. C'était peu de temps après l'expédition d'Eresbourg. Charlemagne avait réuni les principaux bers de l'Austrasie dans sa résidence d'Héristal, berceau de sa famille, enrichi à la fois par les victoires du père et du fils. Tous les alentours étaient animés par les préparatifs d'une chasse aux taureaux sauvages. Dans la cour de l'habitation royale, ce n'était que cris d'hommes, éclats de trompettes, hennissements de chevaux, aboiements de chiens. Les serviteurs du roi présentaient abondamment à ses nobles hôtes les chairs salées et le bœuf rôti, et faisaient circuler sans relâche le vin et l'hydromel. Le temps était beau, le vent frais, le gibier abondant, la forêt voisine, tout promettait une chasse heureuse. Aussi la joie rayonnait-elle sur tous les visages, et de toutes parts les chants résonnaient mêlés au rire. Aussi ardent chasseur que guerrier indomptable, Charlemagne animait ses rudes convives de la voix et du geste. Mais, toujours sobre au milieu même des orgies les plus emportées, et supérieur en tout aux hommes de son époque, il mangeait et buvait avec modération pour conserver pendant la chasse la souplesse de son corps et la justesse de son coup d'œil. À côté de cette scène bruyante et joyeuse, il s'en passait une d'un tout autre caractère. C'était vers la partie la plus reculée du château, dans une chambre dont la fenêtre étroite et sombre donnait sur cette cour tumultueuse. Une jeune femme, aux traits doux et fins, mais languissante et pâle, et le regard allumé par la fièvre, se soulevait péniblement sur son lit, et d'une voix faible et profondément triste. « Clotilde, » disait-elle à une jeune fille agenouillée près d'elle, « aide-moi, je veux me lever. Prends mes plus beaux habits et pars-moi. » « Vous levez, vous parez, ma bonne maîtresse, et pourquoi faire, mon Dieu, affaibli et malade comme vous êtes ?» Je veux me lever pour accompagner le roi, mon époux, à la chasse. Je veux qu'il me voie, qu'il m'aime. » À cette réponse, la jeune fille regarda la reine avec une expression d'étonnement et de douleur et se mit à pleurer. « Calme-toi, ma Clotilde, et hâte-toi, je t'en supplie. Je suis forte, vois-tu, et quand je me sentirai près du roi Charles, je serai tout à fait guérie. » « Hélas, » continua-t-elle en s'affaissant à chaque instant sous les mains de la jeune fille qui s'était mise à l'habiller, « c'est parce que je suis toujours alitée, malade, qu'il me néglige et m'oublie. S'il me retrouvait chevauchant à ses côtés, rose et souriante, comme dans les premiers jours de notre mariage, il me rendrait son cœur, j'en suis sûre. C'est qu'aussi, mon enfant, il est bien triste, pour un grand roi comme le roi Charles, de voir à tous ses barons des femmes belles et fières, et de ne pouvoir leur montrer une compagne digne de lui, c'est-à-dire plus belle et plus fière. Donc, prends mes joyaux et fais-les ruisseler sur mon cou et dans mes cheveux. Car je veux être belle, je veux être digne du roi et effacer toutes les autres femmes. Oui, Clotilde, dussé-je mourir après, je veux encore une fois être aimée de mon époux et me montrer la reine. » Mais cette exaltation factice de la jeune reine des Francs s'évanouissait bien vite. « Mon Dieu !» reprenait la pauvre Ermengarde, qui se sentait prête à défaillir. « Pour que je sois ainsi délaissée, c'est que peut-être aussi je suis bien changée. Voyons, ma Clotilde, sois sincère. Méritais-je vraiment l'abandon de mon époux ?»« Hélas, ma bonne maîtresse, » répondit la jeune fille, « si quelque chose a changé, c'est le cœur du roi. Car je vous trouve aussi belle que jamais, et surtout plus touchante et plus digne d'être aimée. Mais non, le roi vous aime toujours. Ce sont les guerres sans cesse renaissantes qui l'éloignent de vous. Et quand ce n'est pas la guerre, c'est la chasse. Comment les hommes et les rois peuvent-ils se plaire à verser ainsi le sang? Et la paix, la douce paix, ne nous sera-t-elle jamais accordée? » À la cour du roi Didier, mon père, continua Ermengarde en rêvant tristement, tous les princes lombards s'empressaient autour de moi, tous vantaient ma beauté et briguaient l'honneur d'obtenir ma main. Mais la gloire du grand roi Charles m'avait touché, hélas, et aussi sa jeunesse et sa beauté, son œil doux et fier, son front plein de majesté, sa haute et noble taille. Et je dédaignais tous les princes, mes égaux. J'oubliais même que le roi Charles était marié à une autre femme, et que le divorce est réprouvé devant Dieu et devant les hommes. Oh, Charles, Charles, ne m'en punissez pas. Laissez-moi toute ma vie, si vous voulez, dans ce coin du palais, mais ne me chassez pas, ne me répudiez pas. Mieux vaudrait la mort que cette honte. » Pourquoi ces funestes idées ? Reprit Clotilde en pâlissant. Le roi ne pense point à vous donner de rival. Encore tout échauffé de sa lutte avec les Saxons, et plein de ses triomphes rapides, il ne songe qu'à les célébrer avec ses barons. Mais vous aurez votre tour, et c'est du repos et un autre bonheur qu'il viendra bientôt vous demander. Roma Clotilde, que tu me fais du bien. Tu dis vrai, c'est que mon temps n'est pas encore venu. Eh bien, je serai patiente. Je ne reprocherai rien au roi, ni par mes paroles, ni par ma tristesse. Tu verras, tout à l'heure, comme je m'efforcerai d'être gai. Vite, passe cette broche garnie de pierreries dans mes cheveux. C'est bien, je suis contente. » Acheva Ermengarde, en se regardant dans un miroir de métal poli. « Maintenant, descends dans les écuries et fais préparer ma acnée. »« Et songez-vous, bon Dieu, quand vous pouvez à peine vous soutenir. C'est votre litière qu'il faut aller commander, n'est-ce pas ? Non, non, c'est ma acnée que je veux. Est-ce avec une litière, ma bonne Clotilde, que je pourrais suivre la chasse ? Je veux, te dis-je, rester le plus près possible du roi. Sa vue va me rendre tout à fait forte. D'ailleurs, puisque tu as encore quelques craintes, tu monteras derrière moi en croupe, et si je me sentais faiblir, tu me soutiendrais. » Quelques instants après, la reine et la jeune fille montèrent une docile acnée, qui savait comprimer sous le frein l'impatience dont l'agitait le tumulte excitant de la cour. Ranimée par l'air frais et la scène splendide qui remuait sous ses yeux, Ermengarde avait retrouvé une énergie momentanée et ses joues, tout à l'heure si blêmes, se peignaient de vives nuances. À la fois pressée de revoir Charlemagne et inquiète de l'accueil qu'il allait lui faire, elle répondait à peine au froid salut que l'hébert austrasien lui adressait au passage et ne remarquait pas même le changement de manière et l'insouciance des serviteurs du roi à son égard. Au moment où elle arrivait devant la principale porte du palais, Charlemagne en sortait avec les plus puissants de ses barons et allait s'élancer sur son cheval qu'un de ses fidèles tenait par la bride. En apercevant la reine, son sourcil se fronça, mais un second regard, qu'il jeta sur elle à la dérobée, fut plus doux, car il avait ressaisi un éclair de la première beauté d'Ermengarde, rehaussé encore par une éclatante parure. Alors il fit quelques pas vers elle et d'un accent presque tendre. « Vous avez donc chassé ces fièvres si tenaces, Ermengarde, mamie ?» lui dit-il. « Et vous vous disposez, ce me semble, à nous suivre à la chasse ?»« Oui, monseigneur époux, si tel est votre bon plaisir, » répondit la jeune reine en tressaillant de joie. « Notre plaisir est que vous ne soyez plus malade. » Et nous vous approuvons fort de quitter le lit pour la plaine et les bois. L'air vif et la course folle seront plus salutaires à votre beauté que tous les dictums de votre pharmacie. Allons, mes seigneurs, ajouta le roi en se retournant vers ses barons, venez féliciter la reine de son retour à la santé, et préparez-vous à bien faire, car c'est surtout devant les dames qu'il est beau de frapper de grands coups. Et les barons, surpris de ce retour de faveur, entourèrent Ermengarde et lui rendirent les respects dont elle avait été privée depuis que Charlemagne leur en avait lui-même donné l'exemple. Pendant que la reine, heureuse et ravie, leur payait en sourires et en douces paroles ses hommages intéressés, un mouvement se fit à l'entrée de la cour. C'était le chef suève, Vinmar, qui entrait accompagné de ses fidèles et de sa fille Hildegarde aux noirs cheveux. Le roi alla au-devant de ce nouvel hôte, qu'il reçut avec distinction, et fit surtout à la belle Hildegarde l'accueil le plus empressé. Belle en effet, et d'une beauté qui devait plaire particulièrement à Charlemagne, car autant la reine Ermengarde était blonde et frêle, autant la jeune étrangère était brune et vive. L'une avait des yeux bleus et pleins de langueur, l'éclair étincelait dans les yeux noirs de l'autre. De riches teintes coloraient les joues de la princesse Suève, brunie par le hâle, et une blancheur mate était habituelle chez la fille du roi Lombard. Mélancolique et pieuse, celle-ci aimait les longues prières, les chants plaintifs sous la voûte sombre d'une église, les rêveries, le soir, accoudée sur une fenêtre et, suivant d'un œil humide, la lune errant au milieu des nuages. Grande, forte, ardente, celle-là tressaillait d'aise au cri de la trompette et bondissait de joie, emportée par une cavale fougueuse. Aussi, les yeux du roi ne pouvaient-ils se détacher de cette belle princesse, dont la nature énergique et chaleureuse s'harmoniait si complètement avec la sienne. Et déjà, la pauvre Ermengarde était oubliée, et peu à peu, le cercle de ses courtisans s'éclaircissait encore pour aller grossir celui de l'étrangère. Enfin, le roi donna le signal du départ. La foule jaillit comme un torrent de l'enceinte du palais des Ristal et se répandit dans la plaine avec un redoublement de cris et de fracas. D'abord, par un dernier respect du devoir et peut-être de la forme, Charles chevaucha côte à côte avec la reine. Mais à peine la chasse fut-elle lancée à travers les premières broussailles de la forêt, que laissant la pauvre Ermengarde au milieu de quelques bers, qui ne tardèrent pas eux-mêmes à le suivre, il se précipita sur les traces de la belle Suève, car cette rapide Amazone avait déjà laissé loin derrière elle les plus intrépides chasseurs. restait seul avec sa fidèle Clotilde. « J'ai eu tort de ne pas t'écouter, » dit la reine avec accablement. « Ma place n'est point ici. » La jeune fille baissa la tête et ne répondit pas. Mais ayant relevé les yeux vers sa maîtresse, la vit si pâle, les traits si altérés, qu'elle poussa un cri et la saisit dans ses bras comme pour la retenir. « Ma place n'est point ici, » répéta la reine. « Clotilde, emmène-moi vers mon lit. Il me semble que je vais mourir. » En effet, Ermengarde s'évanouit sur le sein de la jeune fille. Celle-ci, épouvantée, se mit à crier de toutes ses forces et appeler du secours. Mais personne ne répondit, personne ne vint, et les regards et la voix de la jeune suivante se perdirent dans l'épaisseur de la forêt. L'acné s'était arrêtée d'elle-même. Clotilde descendit, reçut dans ses bras la pauvre reine, toujours sans mouvement, la coucha sur le gazon, et prodigua pour la ranimer tous les moyens que sa mémoire troublée put lui fournir. Grâce à ses soins, Ermengarde rouvrit les yeux, et voyant le lieu où elle se trouvait, et reconnaissant Clotilde, lui sourit avec tristesse. « J'avais trop présumé de mes forces, ma pauvre enfant, » dit-elle. « Je crains bien de ne pouvoir regagner Eristal, et d'être obligée d'attendre ici le retour de Charles. « Pourvu, » continua-t-elle en ouvrant les yeux avec effroi, « que quelque taureau furieux ne se soit pas lancé de ce côté. Vite, Clotilde, allons-nous-en, j'ai peur. » À ces paroles de la faible Ermengarde, une même épouvante gagna la jeune fille. Néanmoins, retrouvant quelque présence d'esprit dans son attachement pour la reine. « Eh bien, ma bonne maîtresse, essayez de remonter sur votre acné. Je vous conduirai dans quelque forêt derrière de gros arbres, où vous serez plus à l'abri que dans cette clairière. » La reine accepta, et cédant de la jeune fille, finit par se remettre en selle. Et Clotilde, prenant la bride et marchant devant, se mit à chercher un asile. Après avoir marché quelque temps sans rien trouver qui la satisfît, elle s'arrêta tout à coup devant une échappée de vue qui lui permit d'interroger la campagne environnante, et elle distingua bientôt, au milieu d'un bouquet de bois peu éloigné, une métairie où la reine trouva assurément du secours, car on voyait un sillon de fumée s'échapper du toit. Bientôt le petit convoi arriva devant la porte, et quelques serviteurs étant accourus, Ermengarde et Clotilde se virent en face d'une femme de haute stature, à l'œil fier, aux gestes nobles, et conservant encore dans son humble costume quelques vestiges d'une splendeur passée. Clotilde lui demanda l'hospitalité pour sa maîtresse. Ermengarde adressa elle-même une parole de prière à l'inconnue. Alors, celle-ci, qui, depuis quelques instants, considérait la reine et son magnifique costume d'un regard sombre et jaloux, s'écria d'une voix brusque. « Et qui êtes-vous pour venir insulter ainsi à l'abaissement d'une exilée ?»« Je suis Ermengarde, la reine des Francs, la femme du grand roi Charles, » répondit la princesse d'un air d'étonnement et de dignité blessée. « Et moi ?» reprit l'inconnu en se dressant de toute sa hauteur. « Je suis Émiltrude. J'étais aussi la reine des Francs et la femme du grand roi Charles. Bien plus, je suis la mère de son héritier. Vous voyez donc que je suis autant que vous, plus peut-être, car Dieu vous a frappé de stérilité. Il se peut que demain, vous soyez rejeté comme moi du palais d'Eristal et relégué dans une métairie semblable à celle-ci, et plus triste, car vous n'y trouverez pas comme moi la consolation d'un fils, mon glorieux Pépin. Maintenant, vous qui m'avez fait chasser, je vous chasse à mon tour. Retirez-vous. « Oh non !» s'écria alors Clotilde en se jetant aux genoux de la farouche Émiltrude. « Vous ne serez point assez impitoyable pour repousser ma maîtresse souffrante et faible comme elle est. Et puis le roi le saurait ce soir et vous seriez puni. Ne menace point, ma Clotilde !» dit Ermengarde d'une voix mélancolique et résignée. « Cela ne nous convient guère maintenant. Et vous, Émiltrude, accordez-moi l'hospitalité sans haine, car demain peut-être je serai comme vous, répudié et pauvrement vêtu. » Ces paroles firent jaillir un éclair de joie dans les yeux de l'altière exilée. « À ce titre, » reprit-elle, « soyez la bienvenue. Monseigneur Pépin, voici une reine qui vient vous demander asile. » Le glorieux Pépin était un enfant de 4 ou 5 ans, hideusement contrefait, sombre, hargneux, et que Charlemagne avait renié comme il avait fait de la mère. Cependant, Charlemagne était parvenu à s'isoler de la chasse et à se trouver seul avec la belle Hildegarde, qui, nullement troublée de la gloire du grand roi, devisait gaiement avec lui et ajoutait encore à l'amour du monarque en se montrant à lui paré de deux qualités de plus qu'il prisait fort chez ceux qui l'entouraient, la vivacité de l'esprit et la sérénité de l'humeur. Par degrés, pourtant, leur entretien devint grave car, après avoir repoussé l'expression de l'amour du roi avec l'arme de la plaisanterie et du badinage, la fille de Vinemard comprit que c'était avec des arguments sérieux qu'il fallait repousser ses propositions de mariage. Néanmoins, elle revenait souvent malgré elle au ton de l'épigramme. « Oui, » disait Charlemagne en abattant une branche énorme d'un coup de sabre, comme pour donner plus de poids à ses paroles, « vous partagerez mon lit et ma couronne. » « Votre couronne, toute grande qu'elle est, seigneur, est trop étroite pour trois têtes. N'ai-je pas déjà divorcé avec Himmeltrude ? Vous vous autoriseriez d'un premier exemple pour un second, et peut-être aussi pour un troisième. Cela vous conduirait, seigneur, à mourir dans l'impénitence finale. Le roi Pépin, mon père, me fit épouser Himmeltrude malgré moi, car son humeur acariâtre m'était connue. Et plus tard, ce fut Bertrade, ma mère, qui me pressa de rompre cette union mal assortie. Et dans l'empressement que j'avais à fuir une femme odieuse, je me jetai aveuglément dans les bras de celle que ma mère m'offrait en échange. Mais il se trouva que j'étais sorti de Charybde pour tomber en Scylla. Et après deux naufrages, vous voudriez vous lancer dans un troisième précipice. Oh, vous, Hildegarde, vous seriez pour moi le port. Votre barque, seigneur, est aventureuse de sa nature, et vous n'êtes ni d'âge ni d'humeur à la laisser longtemps à l'ancre. Mais, Hildegarde, je sens que je n'ai vraiment aimé et que je n'aimerai jamais que vous. Les nœuds de l'amour sont bien fragiles, seigneur, auprès de ceux que forme la religion. Respectez l'œuvre de vos évêques, leur voix s'élève plus haut que celle du caprice. Ce n'est point un caprice, Hildegarde. Je veux briser cette union que le ciel n'a pas plus bénie que la première. Il me faut un fils qui réponde aussi bien que mon épée aux intrigues de mes ennemis. » À ce moment, un monstrueux auroch parut à l'entrée du chemin que parcouraient le roi et la princesse. « Fuyez, Hildegarde !» s'écria Charlemagne en tirant son sabre et en se plaçant entre la fille de Vinemard et l'animal sauvage. « Rangez-vous dans le taillis. Pendant ce temps-là, je vais occuper la bête. » Et se retournant vers la princesse, il la vit calme, s'affermissant sur sa monture et disposant un javelot. Jamais elle ne lui avait paru plus belle. Alors, s'électrisant à l'idée d'emporter l'estime de cette héroïque jeune fille, il lança son cheval contre le roc. Celui-ci, qui à l'aspect des deux chasseurs, avait hésité un instant en les menaçant d'un regard oblique, poussa un long mugissement, fit lui-même quelques bonds au devant de son adversaire, puis, s'arrêtant tout à coup au milieu du chemin, présenta brusquement ses deux cornes aiguës au choc du cheval. Mais Charles, qui connaissait les ruses de ces animaux, détourna lestement sa monture de la ligne où il l'avait lancée, et la faisant revenir un moment sur elle-même, asséna sur la nuque de l'auroch un vigoureux coup de sa lourde épée. Le taureau, dangereusement blessé, chancela, mais se relevant au même instant, il se jeta en beuglant de rage sur Charles, qui ramenait à l'attaque son cheval tout frissonnant de peur. Avant qu'un second coup l'atteignît, l'auroch était tombé tête baissée sur le cheval, dont une de ses cornes ouvrait le flanc, tandis que l'autre déchirait le brodequin du roi et lui entamait la jambe. La douleur empêcha le royal chasseur de frapper une seconde fois l'animal furieux. En même temps, son cheval s'abattit, et le roi des Francs courait le plus grand danger quand le javelot de Hildegarde, arrivant comme l'éclair, s'enfonça profondément dans les entrailles du taureau, qui frappa violemment la terre des quatre pieds et balança quelques instants entre ce nouvel agresseur et son premier ennemi. Pendant ce temps-là, Charles s'était déjà dégagé de dessous son cheval. Il fit quelques pas vers le roc, entraînant sa jambe blessée, et au moment où celui-ci reculait devant Hildegarde, il l'abattit d'un revers de son épée. « Merci, mon ange gardien, » dit Charles, en tendant la main à la jeune princesse. Hildegarde, remarquant alors la blessure du roi, sauta à bas de son cheval, déchira un pan de sa tunique, étancha le sang, rapprocha les chairs et banda la plaie avec autant de dextérité que l'eût pu faire un médecin de Rome. Cependant, Charles la regardait avec tendresse et confirmait dans son cœur le titre de reine qu'il venait de lui proposer l'instant d'auparavant. Quand la princesse eut achevé, « Seigneur, dit-elle, montez sur mon cheval et gagnons quelques chaumières voisines où vous puissiez prendre du repos et attendre vos barons. Je le veux bien, mon Hildegarde. Tout ce que tu veux, je le veux maintenant, car je le jure sur ma joyeuse, dès aujourd'hui, tu es la reine. » La fille de Vinemard baissa les yeux en rougissant. Puis, secouant sa tête brune et mutine comme pour une dernière protestation, elle franchit à côté du roi la lisière de la forêt. Arrivée sur un monticule voisin, qui dominait une métairie, Charles arrêta son cheval. « Allons d'un autre côté, dit-il. Mais, seigneur, vous ne trouverez point un asile pareil à deux lieues à la ronde, C'est une ferme presque royale. Vous le voulez ? Reprit Charles en réfléchissant. Eh bien, soit. Venez voir ce que j'ai fait pour arriver à une autre femme et ce que je ferai pour arriver à vous. En entrant dans la métairie, Charles et la fille de Winmar rencontrèrent Himmeltrude et Ermengarde. En présence les uns des autres, tous tressaillirent. Mais Charlemagne se remit promptement, et triomphant en roi de l'étrangeté de sa situation, « Himmeltrude, Ermengarde, » dit-il d'une voix ferme et en montrant la jeune fille Suèbe aux deux princesses disgraciées, « prosternez-vous, voici la reine. » De ce second divorce, il résulta une guerre entre le roi des Francs et celui des Lombards. Charlemagne, après avoir répudié la fille, confisqua les états du père, et c'est ainsi qu'en perdant une femme, il gagna un royaume. Ces sortes d'histoires sont très fréquentes dans la vie de Charles le Grand. Quant au fils d'Himmeltrude, ce glorieux Pépin, il organisa plus tard une conspiration contre son père et fut enfermé d'abord au monastère de Saint-Gall, puis de Prume dans les Ardennes où il mourut.